On rapporte que 500 ans après la fondation de Rome, on n'avait encore vu, ni dans Rome, ni dans le Latium, aucun procès occasionné par la reprise des biens de la femme, ni aucune de ces conventions relatives au divorce mentionnées dans les contrats. Personne, en effet, ne songeait à ces précautions, le divorce étant encore sans exemple. Servius Sulpicius, dans son traité des Dot, a écrit que les conventions relatives aux biens de la femme avaient été jugées nécessaires pour la première fois lorsque Spurius Carvilius, surnommé Ruga, homme noble, eut divorcé avec sa femme, parce qu'un vice de conformation empêchait celle-ci de lui donner des enfants.